élevé jusqu'au ciel et retombé si tôt. Par Salomé, par il faut. Se quitter, moi, qu'on le tienne d'abord. Te quitter, non, jamais. Ami, l'amour n'est pas cruel, qui nous prend tous les deux, qui nous prend tous les deux, qui va nous réunir. Si Dieu et l'immortalité.